أشراط الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Bihawlillahi Azza wa Jal, on va continuer avec les signes de la fin des temps et on s'approche des grands signes de la fin des temps. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, on va entamer aujourd'hui ou lors de cette soirée ici l'introduction sur les signes ou les grands signes de la fin des temps. Avant cela, bien sûr, on va terminer ici quelques points concernant les petits signes de la fin des temps. Mais avant cela, bi'idnillahi Azza wa Jal, je voulais faire une petite annonce très brève et bien sûr, cette annonce-là, on la transmettra via le Facebook, Internet, le site, etc. Bihawlillahi Azza wa Jal, comme nous avons dit, et nous ne cessons, et on ne cesse de le dire ouvertement, walillahi alhamd, qu'on aime notre prophète Muhammad alayhi afdalus salatu wa taslim, et qu'on se doit d'être en colère face à ce dénigrement, ces insultes, ces railleries, ici qui ont été faites à l'encontre de notre prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa taslim, mais que cette colère et que cette jalousie qu'on a, d'accord, et que la défense qu'on doit avoir ici quant à l'honneur de notre messager alayhi salatu wa salam doit être régie selon le Coran et la Sunna bi fami salafil umma bihawlillahi azza wa jal, on a décidé inshallah ta'ala de mettre à disposition prochainement des milliers de CD sur le prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa taslim. Ça sera certaines interventions qui ont été faites de ma part. Donc parmi elles, je t'invite à aimer notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Bien sûr, ceci visera particulièrement les non-musulmans, mais aussi les musulmans. C'est-à-dire que on laissera à disponibilité ces CD, ceux qui voudront se procurer ces CD et les DVD, inshallah ta'ala. Donc ils les commanderont directement ici à la mosquée Sunna de Brest et on les enverra, inshallah ta'ala. Et plus de détails sont à venir dans les jours qui suivent, inshallah ta'ala. Et pourquoi aussi on a voulu ici faire cela, c'est pour faire participer les frères et les sœurs aussi, d'accord, pour pas que ça soit toujours un groupe de personnes qui se charge de faire la distribution des CD, un groupe de personnes qui se charge de faire da'wah, un groupe de personnes qui se charge de faire ceci et cela, ou alors qu'ils vont faire participer toute la communauté musulmane, particulièrement en France. C'est-à-dire qu'on met à disponibilité les CD, les gens qui veulent se les procurer, donc ils se les procurent inshallah ta'ala, et à vous de les distribuer. D'accord, que ça soit dans les centres commerciaux, dans les marchés, dans votre travail, dans votre famille, etc. Vous les distribuez bihawlillahi azza wa jal et vous en aurez la récompense inshallah ta'ala wa billahi tawfiq bihawlillahi azza wa jal. Prochainement, on les mettra à disposition et aussi, on invitera aussi bien sûr ceux et celles qui veulent participer financièrement, d'accord, pour pouvoir publier et sortir le maximum de CD. On va pas se limiter à 800 CD ou 1000 CD, on veut vraiment sortir des milliers de CD, d'accord, pour pouvoir propager au maximum, d'accord, ces CD-là, et pour qu'enfin, bi'idnillahi azza wa jal, d'accord, les non-musulmans connaissent vraiment qui est Muhammad alayhi afdalus salati wa azka taslim. Incha'Allah ta'ala. Donc ça c'était une petite introduction, muqaddima, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc on avait parlé des signes de la fin des temps, et on avait rappelé que ce qui se passe maintenant au Chem et en Syrie, peut-être fait partie des signes de la fin des temps, peut-être. En tout cas, le fait qu'il y aura des troubles, d'accord, de plus en plus de meurtres, de plus en plus de morts, de plus en plus de fitaines au Chem et particulièrement en Syrie, ceci fait partie des signes de la fin des temps. On continue avec les petits signes de la fin des temps. Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé un signe et le signe ici il a été cité dans un hadith rapporté par ici Ahmed dans son Musnad et d'autres. Qala Rasulullah alayhi salatu wassalam la taqumu as-sa'a حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. Ici le prophète dit l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse un homme de la tribu de Qahtan et qui maniera les gens avec son bâton. Est-ce que c'est une métaphore ou pas? Qawlur Rajih a dit l'imam, ou c'est ce qu'a dit l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala. Il dit, qui maniera les gens avec son bâton est une allusion à la droiture des gens, leur accord à son égard et leur acceptation. Il n'a pas réellement visé le bâton. Il en a fait une image de leur obéissance envers lui et sa dominance envers eux. Comme l'a dit l'imam Al-Qurtubi. Donc quand le prophète alayhi salatu wasalam dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse un homme de la tribu de Qahtan qui maniera les gens avec son bâton, c'est-à-dire que cet homme-là aura une grosse ou une grande influence, qu'il sera écouté, suivi, et aussi on en déduit bien sûr, aimé des musulmans et des musulmanes. Quel est cet homme-là? Le prophète alayhi salatu wasalam nous a rappelé qu'il est issu ici de la tribu de Qahtan, ici à laquelle remontent les origines des habitants du Yémen, ici comme l'a informé le prophète alayhi salatu wasalam. Ça fait partie des signes de la fin des temps, des petits signes. Parmi les petits signes de la fin des temps, et ici ensuite on va rentrer dans l'introduction des grands signes de la fin des temps, car Al-Mu'allif ici, l'auteur, a parlé de deux autres signes, walakin je les ferai ou je les citerai lors des grands signes de la fin des temps, vous comprendrez pourquoi, incha'Allah ta'ala. Médine rejettera ses malfrats, puis sera détruite. Ça fait partie aussi des signes de la fin des temps. Donc Médine, d'accord, Al-Madina, Al-Munawwara, ici la ville dans laquelle le prophète alayhi salatu wasalam a vécu, dans laquelle le prophète alayhi salatu wasalam est mort, elle rejettera ses malfrats, puis elle sera détruite. À quelle époque cela aura-t-il lieu? Dans les détails, on va le voir, incha'Allah ta'ala. La preuve de cela, rapportée par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, les gens connaîtront un temps où l'homme appellera le fils de son oncle paternel et son proche parent lui disant, accourez à l'aisance. Donc là, lors des derniers signes, je me limite simplement à citer les textes comme l'a cité l'auteur. Car ici, nous, concernant Alamul Ghaib, d'accord, le monde de l'invisible, c'est-à-dire ce qui concerne le futur, quand on parle de Ghaib, c'est ce qui concerne l'invisible, l'inconnaissable, particulièrement ici Al-Mustaqbal, le futur, comme il dit Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, on n'a pas le droit de faire rentrer ici, je pense, je crois, je vois, je déduis, et faire tomber et sombrer une grande partie de la communauté ici dans une psychose ou dans une parano, comme certains le font, lil asafi shadid. Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous a donné, prenez-le. هُوَ الَّذِي لَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne parle pas poussé par sa passion. On n'a pas le droit de rajouter des suppositions, des je crois, des je vois, alors qu'ici, il n'y a pas lieu de les rajouter, surtout dans des sujets sensibles concernant Al-Ghaib. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, les gens connaîtront ici un temps où l'homme appellera le fils de son oncle paternel et son proche parent lui disant, accourez à l'aisance, d'accord? Donc ici, accourez à l'aisance, accourez aux richesses. Mais Médine est préférable pour eux s'ils savaient, et par celui qui détient mon âme dans sa main. C'est le prophète alayhi salatu wasalam qui a juré, bien que le prophète n'a pas besoin de jurer. Walakin, quand il jure, c'est pour montrer l'importance, d'accord? Pour attirer l'attention des musulmans et des musulmanes. Clair, comme Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran Al-Karim à plusieurs reprises, Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, les gens qui ont la foi, et ça c'est an-nida, c'est un appel qu'Allah Azza wa Jalla fait, et comme disait le salaf, à chaque fois qu'on entend Ya ayyuhal ladhina amanu, on doit vraiment tripler si on veut, d'accord, avec une sorte de métaphore, d'attention, d'accord, car Allah Azza wa Jalla, ici, il veut attirer encore plus notre attention, bien que tout au long de notre lecture, récitation du Coran, on doit prêter attention, bien sûr. Walakin, ici, quand on entend, Ya ayyuhal ladhina amanu, oh, vous qui avez cru, c'est comme quand toi, tu interpelles une personne. Quand tu vas dire ici, oh, vous les gens, écoutez, ce n'est pas comme si tu les appelais par leur prénom simplement, Karim, Mohamed, Abdallah, mais quand vous dites, oh, vous les, ça, ici, interpelle plus la personne. Mais Médine est préférable pour eux s'ils savaient, par celui qui détient mon âme dans sa main, personne ne la quitte en renonçant à elle, sans qu'Allah ne l'y remplace par quelqu'un de meilleur que lui. Médine est certes semblable au soufflet de forge. Elle dissipe l'impureté. Mais à quelle époque? On va le voir, incha'Allah ta'ala. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que Médine rejette ses malfrats, tel le soufflet de forge qui enlève les impuretés du fer. Donc Médine, elle va rejeter. Elle va rejeter ses malfrats. Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu arda, a dit, il explique que le rejet des malfrats de Médine, c'est-à-dire les gens mauvais, qui veulent du mal aussi aux musulmans, aux musulmanes, aux croyants, les hypocrites, seront rejetés de Médine, d'accord ? وَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Et ceci, c'est une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ça nous rappelle aussi et ici l'importance de Médine. Il explique que le rejet des malfrats de Médine désigne l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il dit ici, c'est un signe, bien sûr, de la fin des temps, car le prophète l'a dit. Walakin, c'est à quelle époque? À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Ici, car ne supportait l'égir et la demeure à Médine que celui dont la foi était ferme. Quant aux hypocrites et aux ignorants parmi les bédouins, ils ne patientaient pas quant à la dureté de Médine, et quant au fait d'y habiter, ils ne recherchaient aucune récompense en cela. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il disait, l'hypocrisie aussi est apparue plus clairement à l'époque ici médinoise que, ou à l'époque ici na'am médinoise que mécoise, ou mécoise que médinoise. Médinoise. Pourquoi? Parce que l'hypocrite, d'accord, il montre ouvertement ce qu'il n'y a pas dans son fort intérieur. Donc à Médine, comme on le dit souvent et comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il y avait des intérêts d'être musulman, donc ils cachaient ici leur dégoût, d'accord, leur dégoût envers cette religion. Mais ils montraient une apparence de pieux, de vertu. Ils priaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils allaient à la mosquée, ils faisaient quelquefois les ablutions devant les compagnons, etc., etc. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'intérêts. L'islam avait pris place à Médine, d'accord? Et donc ici, il y avait de plus en plus de musulmans à Médine. Le prophète était à Médine, les compagnons étaient à Médine, contrairement à la Mecque. À la Mecque, tu disais « Rabbi Allah, wahdah », tu croyais en Allah Azza wa Jal l'unique et tu l'affirmais, tu étais persécuté, tu étais torturé, etc., etc. D'accord? Et ici, à cette époque-là, les hypocrites quand même, bien qu'il y en avait beaucoup qui voulaient ici cacher leur dégoût envers l'islam, Médine, par la permission d'Allah Azza wa Jal, les a rejetés. D'accord? Parce qu'Allah Azza wa Jal a scandalisé et n'a cessé de scandaliser, d'accord, et de dévoiler l'hypocrisie des hypocrites. Donc soit ils étaient chassés, ou soit ils n'acceptaient même pas le fait de se rendre à Médine. C'était trop dur pour eux. Ils ne pouvaient pas supporter. Al-Qadi Iyad, il disait ça, c'était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Dans tous les cas, il dit que ça a déjà eu lieu. Pour l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, cela s'agit de l'époque de Al-Masih al-Dajjal, le faux messie. On va en parler, incha'Allah ta'ala. La venue du faux messie fait partie des Ashrat al-Sa'a al-Kubra, des grands signes de la fin des temps. Donc on va parler des grands signes de la fin des temps, on va parler de Al-Mahdi, on va parler de Isa ibn Maryam, on va parler de Al-Masih al-Dajjal, on va parler de Ya'juj wa Ma'juj, on va parler de tout cela, incha'Allah ta'ala. Lui, il dit, ça va venir à l'époque de Al-Masih al-Dajjal. Al-Masih al-Dajjal, ici, il y a une divergence entre les gens de science. Est-ce que c'est le premier des grands signes de la fin des temps ou pas? Certains gens de science ont dit que ce sera le premier grand signe de la fin des temps. D'autres ont dit qu'il fera partie des premiers signes de la fin des temps, mais avant lui va venir Al-Mahdi. D'autres disent non, les premiers signes de la fin des temps, c'est le fait que le soleil va se lever, se coucher ou se lever, ça va être quoi? Va se lever à l'ouest, là le soleil il se lève où? À l'est, d'accord? Ils disent que ça va être ça, le premier signe de la fin des temps. Et ils ont une preuve. Et parmi eux, il y avait Ibn Umar, radiyallahu anhu an abi. Et on va voir cela dans les détails, incha'Allah ta'ala. Ala kulli hal, l'imam al-Nawawi, il dit ça, c'est à l'époque de Al-Masih al-Dajjal. Que se passera, et il a ses preuves. On va voir ici, incha'Allah ta'ala. Que cela se passera, c'est-à-dire que Médine va rejeter les malfrats. Il rejette la vie d'Al-Qadi Iyab, et précise aussi que cela peut arriver à des époques à différents. Quant à Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, il cite que cela peut désigner ces deux époques. Et ça, c'est qawlu rajih min ahli al-ilm. Et ça, quand on a plusieurs textes authentiques, d'accord, qui, d'accord, pour nous, dû quelquefois à notre manque de compréhension, d'accord, on voit qu'ils se contredisent, nous disons, ils ne peuvent pas se contredire. C'est nous qui avons mal compris, d'accord, ces textes-là. Et il y a toujours une explication. Et parmi les meilleures des explications que donnent ou que dégagent les gens de science en général, quand les hadiths se contredisent de façon apparente, on va dire, ou à première vue, bien qu'ils soient authentiques, ils les déduisent, ses bonnes, ses meilleures explications après avoir fait quoi? Après avoir essayé de relier les deux hadiths ou tous les hadiths authentiques qui apparemment ou à première vue se contredisent. Donc ils essayent d'allier entre les hadiths et de déduire une chose, d'accord, ou alors un avis qui pourra faire que le musulman va comprendre qu'on peut utiliser tous ces hadiths. Comme là, Ibn Hajar, il dit, il n'y a pas de contradiction entre ces deux hadiths ou entre ces hadiths. Il dit, cela se prouve simplement que ça aura lieu à plusieurs époques. Il prend le hadith qui concerne l'époque du prophète, il prend le hadith qui concerne l'époque de Messie Ad-Dajjal, et il dit, au lieu de dire non, c'est à l'époque de Messie Ad-Dajjal, ou non, c'est à l'époque du prophète, nous disons, ça peut être à plusieurs époques. À l'époque du prophète et à l'époque de Messie Ad-Dajjal. Clair? Donc, il cite que cela peut désigner ces deux époques, celle du prophète, dont la preuve est le récit du bédouin relaté dans le recueil d'Al-Bukhari, d'après Jabir radiyallahu anhu arda. Un bédouin vint au prophète alayhi salatu wassalam et lui prêta serment d'allégeance d'accepter l'islam. Le lendemain, il revint fiévreux en disant, désengage-moi, mais il refusa à trois reprises. Il, alayhi salatu wassalam, dit ensuite, Médine est comme le soufflet de forge, elle élimine ses impuretés, ses bonnes choses deviennent plus pures. Donc là, ça nous rappelle que ça s'est passé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. La seconde époque, l'époque de Messie Ad-Dajjal. Quelle est la preuve ici? Selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu arda, il rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mentionna al-Messie Ad-Dajjal, le faux messie, et dit, ensuite, Médine sera secouée avec ses gens par trois fois, suite à quoi, mais là, il parlait le prophète de l'époque de Messie Ad-Dajjal, suite à quoi, Allah fera sortir tous mes créants et hypocrites. Tous mes créants et hypocrites. Donc, il allie entre les hadiths et dit, il n'y a pas de contradiction. Et on peut travailler avec ces récits prophétiques authentiques concernant les signes de la fin des temps. Et il dit, Médine va ressortir ou va ici se débarrasser par la permission d'Allah Azza wa Jal, des malfrats, des hypocrites, des mécréants. Donc, à l'époque du prophète, la preuve, on l'a cité, il y a plusieurs preuves qui nous le rappellent. Et aussi, quand l'antéchrist, Al-Masih Ad-Dajjal, viendra, comme le prophète alayhi salatu wassalam, l'a rappelé. Donc, on sait que Médine a rejeté et rejettera encore les malfrats de Médine. Et ça ne veut pas dire que toute personne qui n'habite pas à Médine fait partie des malfrats et des hypocrites. Car il y a même des gens parmi les sahaba radiyallahu anhum ardhahum qui sont sortis de Médine, d'accord, mais pour des bonnes causes, pour ad-da'watu ila Allah azza wa jal, pour transmettre cette religion, etc., etc. Donc ici, ça nous rappelle que ça ne veut pas dire parce qu'une personne sort de Médine qu'automatiquement c'est Médine qui l'a fait sortir. Mais on parle des hypocrites et des gens mauvais. C'est pour ça que al-mu'allif il rappelle ces paroles aussi. Quant au fait que les gens quitteront totalement Médine, cela se produira à la fin des temps, à l'approche de la venue de l'heure. Donc, ici, d'après ces textes, on a bien compris qu'à l'époque du prophète, Médine, d'accord, expulsera les gens mauvais. À l'époque de Messie Ad-Dajjal, on y arrive, Médine fera la même chose. Walakin, comme il dit al-mu'allif ici, on va voir le hadith, inshallah ta'ala, quant au fait que les gens quitteront totalement Médine, ah, ça veut dire qu'il n'y aura plus personne à Médine. Ça, ici, ça concerne simplement la fin des temps. Donc là, ça ne sera plus question de que le fait, ou on parlera plus du fait que Médine va expulser les gens mauvais, mais il n'y aura plus aucun habitant à Médine. Il n'y aura plus personne. Et ça, ça fait partie des signes de la fin des temps, et cela ne peut se produire que qu'à la fin des temps. Comme le dit al-Mu'allif, l'auteur, et la preuve de cela, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu arda, il rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, certes, on quittera Médine. Certes, on quittera Médine au meilleur de son état. Si bien que le chien ou le loup y entrera, puis urinera sur certains piliers de la mosquée et sur la chair. Ou sur la chair. Regardez le prophète ce qu'il dit. Il dit au point que le chien et le loup, ils seront à Médine. Ils seront dans la mosquée et ils urineront. Regardez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et ici le loup ou le chien et le chien. D'accord, si bien que le loup ou le chien, et entrera puis urinera sur certains piliers de la mosquée ou sur la chair, c'est-à-dire al-mimbar. Clair? Et ils demandèrent au messager d'Allah, qui bénéficiera des fruits en cette époque? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les animaux cherchant leur nourriture, les oiseaux et les fauves. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta. Donc ça, ça nous rappelle qu'il n'y aura plus personne à Médine. Et ça, c'est dans la fin des temps. Si bien, vous imaginez que les chiens ou le loup rentrera dans la mosquée du prophète, et ici dans la mosquée, il urinera sur les piliers et sur le mimbar. Il n'y aura plus personne. Il n'y aura que Al-Hayawanat ou Al-Bahaim. Ici, les animaux ou des bestiaux. Clair? Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit, cela signifie que Médine subsistera et restera habitée à l'époque du faux Messie, puis elle le sera à l'époque de Isa ibn Maryam, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il y meure, y soit enterré, c'est par la suite qu'elle sera détruite, comme il est cité dans An-Nihaya. D'accord? Donc, ici, on voit qu'il y aura un moment où Médine, il n'y aura plus personne dans cette ville qui est Médine, et cela est bon à savoir. Clair? Donc ici, on a passé la quasi-totalité des petits signes de la fin des temps. Et on rentre dans les grands signes de la fin des temps. Et vous voyez qu'à travers l'étude de tous ces petits signes de la fin des temps, on se rend compte que ils sont passés. D'accord? C'est pour ça que certains gens de science, ils disent tous les petits signes de la fin des temps sont passés. Il ne reste que les grands signes de la fin des temps. Ou bien, ils disent plutôt, pour être plus précis, les prochains signes qui peuvent venir, ce ne sont que les grands signes de la fin des temps. D'accord? Et ici, avec tout ce qui se passe autour de nous, même quand on entend le non-musulman qui dit rien ne va plus dans le monde, on se pose des questions, il y a de quoi avoir peur, surtout quand on a étudié les signes de la fin des temps. Les grands signes de l'heure, on va parler, incha'Allah ta'ala, de Al-Mahdi. D'accord? Son nom, ce n'est pas Mahdi, mais Al-Mahdi, c'est-à-dire le bien guidé. Et on verra qu'il s'appelle comme Muhammad alayhi afdalu salati wa sakat taslim. Il s'appelle Muhammad. Et on en parlera, incha'Allah ta'ala. Il y a al-Masih al-Dajjal, il y a la descente de Isa alayhi salatu wa salam, Ya'juj et Ma'juj. On va parler qui sont Ya'juj et Ma'juj. Les trois engloutissements, ad-dukhan, la fumée, le lever du soleil de son couchant, et ad-dabba, la bête. D'accord? On va en parler, incha'Allah ta'ala. Qawlu rajih, vous allez voir que la bête fera partie des derniers signes de la fin des temps. Et ici, al-mu'allif, ici, il l'a placé parmi les derniers signes de la fin des temps. Et vous allez voir pourquoi dans les détails, incha'Allah ta'ala, bien qu'il y ait une divergence. Et parmi les derniers signes de la fin des temps, bien sûr, il y a le feu qui rassemblera les gens à Ardul Mahshar, la terre du rassemblement. Et là, après, on rentre dans quoi? Le jour de la résurrection, le jour des comptes, etc. Et bien sûr, on n'ira pas plus loin, incha'Allah ta'ala. Donc ici, concernant l'introduction à ces grands signes de la fin des temps, avant d'entamer les grands signes de la fin des temps avec Al-Mahdi et Al-Masih al-Dajjal, bihawlillahi azza wa jal, lors des prochains cours, incha'Allah ta'ala. Et il nous reste que quelques cours pour finir les signes de la fin des temps. Et ensuite, comme je vous avais dit, on entamera sûrement l'explication de Kitab al-Tawhid, ou bien un autre livre concernant Al-Aqidah, ou bien al-Tawhid, plus dans les détails, incha'Allah ta'ala, une série tous les dimanches ou tous les samedis, comme prévu. Donc ici, concernant l'ordre chronologique des grands signes de l'heure, est-ce qu'il y a un ordre qui a été stipulé clairement dans un hadith sarih wa sahih, ici, sarih wa sahih, ici dans un hadith clair et authentique? Ici, qawlu rajih, il n'y a aucun hadith qui montre que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, voilà l'ordre chronologique des grands signes de la fin des temps. Le prophète n'a pas dit, ici, en citant tous les signes de la fin des temps, que celui-là sera le premier, celui-là al-thani, celui-là le troisième, celui-là le quatrième, celui-là le cinquième, etc. Clair? Et ça, c'est la parole prépondérante. Comme dit le mu'allif, je n'ai trouvé aucun texte clair montrant un ordre chronologique des grands signes de la fin des temps. Clair? On va commencer avec un hadith. Et ce hadith-là, il est rapporté par Muslim, selon Hudhayfa, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Le prophète alayhi salatu wassalam nous trouva tandis que nous entretenions ici ou que nous nous entretenions. Ils étaient ensemble les compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam leur demanda Ma tadhakkaroun, de quoi vous entretenez-vous? De quoi vous parlez? Et ici ils dirent, nous nous entretenons au sujet de as-sa'a, l'heure. Donc on parle de la grandeur ici, bien sûr. Et là le prophète alayhi salatu wassalam leur a éclairci quels sont les grands signes de la fin des temps. Et il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 30. On va voir, bi idnillah azza wa jal. Elle ne viendra que lorsque vous verrez avant elle 10 signes. إِنَّهَا لَن تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا 10 آيَاتٍ فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, elle ne viendra que lorsque vous verrez avant elle 10 signes. Et le prophète عليه الصلاة والسلام évoqua et il dit الدخان, ah, il a commencé par la fumée. La preuve que il n'y a pas d'ordre chronologique cité par le prophète alayhi salatu wasalam qui prouve que c'est vraiment, d'accord, de cette manière ou avec cet ordre-là que vont venir les signes. Car dans plusieurs autres hadiths, on voit que le prophète a commencé par autre chose que la fumée. Et ici, ça c'est la preuve, parmi les preuves, qui nous rappelle que le prophète n'a pas situé exactement et stipule exactement quel sera le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième signe. Mais par contre, on a d'autres renseignements. Et on a des indices qui nous montrent quel sera le premier, ou qu'il y a de fortes chances que celui-là sera le premier, l'autre sera le deuxième, l'autre le troisième, etc. On va le voir, incha'Allah ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a parlé de Dukhan, la fumée. On va en parler. Al-Masih al-Dajjal. Donc, il a dit ici, il a parlé de du faux Messie. D'accord? Il dit, Ad-Dabba, la bête. Il dit le lever du soleil de son couchant. Il dit la descente de Jésus, Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam. Il dit Ya'juj et Ma'juj. Et il a dit alayhi salatu wassalam, et trois engloutissements par la terre. Un engloutissement en Orient, un en Occident, et un fi jaziratil arab, c'est-à-dire la péninsule arabique. Et le dernier de tout cela, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, un feu, ah, on a parlé du feu, un feu qui sortira du Yémen, repoussant les gens vers leur lieu de rassemblement. D'accord? Ardul Mahshar. Et ça, on va en parler, incha'Allah ta'ala. Clair? Dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète a dit, l'heure n'aura pas lieu jusqu'à ce qu'il y ait 10 signes. Ah, il a commencé par autre chose. Un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident, un engloutissement dans la péninsule arabique. Ensuite, Ad-Dukhan. Ensuite, le faux Messie. Ensuite, Ad-Dabba, issu de la terre. Jouj et Majouj, etc. Donc ça, c'est la preuve parmi les preuves que on ne sait pas exactement dire que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit qu'il y avait un ordre chronologique et qu'on devait obligatoirement, ici, se focaliser et rester et respecter cet ordre chronologique. Il dit al-mu'allif, rahimahullah ta'ala, ala kulli hal, le vivant et le mort, on dit, rahimahullah, il n'y a pas de mal. Clair, ce qui est répondu. C'est pour dire rahimahullah pour le mort. Mais est-ce qu'on a le droit de dire rahimahullah au vivant? C'est autorisé ou pas? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Rahimakallah. I'alam rahimakallah. Al-ulama, ils le disent pour attirer ton attention. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'il est obligatoire à tout musulman de connaître, et on parle souvent de ces paroles, ici, quand on cite, ici, les principes fondamentaux que les musulmans doivent connaître. Ici, on reprendra, ici, dans l'état, incha'Allah ta'ala. Donc, ce qu'il est possible de savoir, c'est l'ordre chronologique de certains signes venant à la suite d'autres, comme cela est exposé dans certaines versions. Comme de le hadith rapporté par An-Nawas, Ibn Sam'an, radiyallahu anhu, comme nous le verrons bientôt si Allah le veut, incha'Allah ta'ala. Certains signes, ils sont cités dans un ordre en fonction de leur arrivée. Ainsi, il est cité premièrement Al-Masih al-Dajjal, puis la descente de Isa pour le tuer, puis l'apparition de Ya'juj et Ma'juj à l'époque de Isa et son invocation contre eux pour qu'ils soient anéantis. Dans d'autres versions, ici, cet ordre-là n'est pas le même, comme l'a mentionné Al-Mu'allif. Donc là, on a bien compris cela, incha'Allah ta'ala. Concernant les grands signes, on avait parlé de Al-Masih al-Dajjal, mais il faut parler aussi de Al-Mahdi. Derrière qui se rassembleront ici les musulmans, les croyants et les croyantes, incha'Allah ta'ala. Al-Mahdi, certains gens de science ont dit que les hadiths concernant la venue de Al-Mahdi, d'accord, il n'y en a pas assez ici qui sont forts pour ici croire en la venue de Al-Mahdi. Voilà qu'une ceci est erroné. Et de toute manière, même si on n'avait qu'un hadith authentique concernant une chose qui concerne Alamul Ghaib, on se doit obligatoirement de prendre cette parole du prophète alayhi salatu wasalam et d'y croire. Car Allah azza wa jalla dit wa ma atakumur rasul fakhudhu. Ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Clair? Donc ici, avant de parler de ces 10 grands signes, ici, Al-Mu'allif ici, il a parlé de Al-Mahdi. Et il dit lui, car son apparition, c'est son ijtihad à lui, d'accord? Et moi, je prends l'avis du Cheikh ici. J'ai mentionné le Mahdi car son apparition précédera ses signes. C'est autour de lui que les croyants se rassembleront pour combattre le faux Messie. Puis Isa, alayhi salam, descendra et priera derrière lui. D'accord? Isa va prier derrière Al-Mahdi, comme on va le voir, inshallah ta'ala. Comme nous le verrons prochainement, inshallah ta'ala. Ce qui est sûr concernant les signes de la fin des temps. Donc là, vous voyez bien qu'on va parler de Al-Mahdi. D'accord? Ensuite, on va parler de Al-Masih al-Dajjal. D'accord? Et ensuite, on parlera du reste, Isa ibn Maryam, et on parlera du combat, et on parlera du fait que Isa ibn Maryam, c'est lui qui va tuer ici Al-Masih al-Dajjal, et on va dire où va descendre exactement Isa ibn Maryam, alayhi salatu wa salam, etc. Et on verra ça dans les détails, inshallah ta'ala. Donc, on a dit qu'on ne connaissait pas l'ordre exactement, mais il y a des indices qui nous montrent que, d'après le mu'allif et son ijtihad, que le Mahdi viendra, ensuite Al-Masih al-Dajjal, ensuite Isa ibn Maryam, et il a donné un ordre, et moi je vais rester respecter cet ordre-là. Donc par contre, ce qu'on sait, c'est ce qu'a dit le prophète alayhi afdalus salat wa azka taslim, que les grands signes vont se succéder l'un après l'autre. D'accord? Que quand le premier grand signe va arriver, les autres signes ne seront pas loin derrière. D'accord? Ça va se succéder l'un après l'autre. Donc quand le premier grand signe arrive, prépare-toi ya Abdallah et accroche-toi. Donc c'est pour ça que ici le musulman et la musulmane ne doivent pas attendre le dernier moment pour se préparer. D'accord? Si on rencontre ou si on fait partie plutôt des gens qui vont vivre ces grands signes. C'est possible. D'accord? On n'est pas à l'abri. Car même les sahaba radiyallahu anhum wa ardam, il y a 14 siècles, d'accord, ils s'y préparaient à rencontrer Al-Masih al-Dajjal, comme on va le voir, inshallah ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a rappelé qu'on doit chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre la venue et la fitna de Al-Masih al-Dajjal. Et ça, il l'a dit aux compagnons. Et le prophète, il a rappelé qu'il n'y a pas une plus grande fitna depuis la création de Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps que quoi? La venue de Al-Masih al-Dajjal. Ça va être la plus grande des fitna et la plus grande des épreuves. Alors imagine-toi, ya Abdallah, une seule personne, Al-Masih al-Dajjal. Et on va le voir, inshallah ta'ala, dans les détails. Mais ce qu'il nous a informé, c'est ce que je viens de vous citer. Selon Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, et le hadith il est rapporté par At-Tabarani, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami'a. Il dit, alayhi salatu wassalam, l'apparition des signes se fera successivement. L'apparition des signes se fera successivement. L'un à la suite de l'autre. L'un à la suite de l'autre. Ils se suivront comme se suivent les perles d'un collier. Alayhi afdalu salati wa azka taslim. Regardez la précision du prophète alayhi salatu wa salam. Les exemples, les métaphores que donne le prophète alayhi salatu wa salam pour que celui qui est très intelligent et celui qui est moins intelligent, celui qui a beaucoup de science, celui qui a beaucoup moins de science, se retrouvent et comprennent les choses clairement. Alayhi salatu wassalam, regardez ici la bonne compréhension, la bonne méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam, une preuve de plus que le prophète alayhi salatu wassalam est une vérité. Alayhi afdalu salati wa azka taslim. L'apparition des signes se fera successivement, l'un à la suite de l'autre. Ils se suivront comme se suivent les perles d'un collier. D'accord? Et ici dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed, et sa chaîne de transmission est authentique, avec l'explication de l'imam Ahmed al-Shakir. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam ici, d'abord avant de rentrer dans l'explication, les signes sont des perles qui se suivent dans un collier. Si l'on coupe le collier, elles se suivent les unes les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit les signes sont des perles qui se suivent dans un collier. C'est-à-dire, ils sont très très proches. Ils sont collés. Et il dit, si l'on coupe le collier, khlas, ah, on rentre dans les grands signes, il dit, alayhi salatu wassalam, elles se suivent les unes les autres. Et ici, Al-Mu'allif nous rappelle aussi que le premier des signes, encore une fois, sera sûrement Al-Mahdi. Il dit, cela est aussi appuyé par ce que nous avons cité concernant le classement des grands signes de la fin des temps, à savoir que des ahadiths mentionnent que certains signes se produiront dans un intervalle très court. Et il dit, le premier des grands signes après le Mahdi, le bien guidé, est l'apparition du faux Messie, Al-Masih al-Dajjal. puis la descente de Isa pour le tuer, puis l'apparition de Ya'juj et Ma'juj, l'invocation de Isa alayhi salam contre eux, leur anéantissement par Allah suivi de ses propos de Isa, et il cite le hadith ici rapporté par l'imam Ahmed. Et parmi ce que mon Seigneur m'a révélé, et que lorsque cela sera ainsi, l'heure sera comparable à une femme enceinte à terme, dont les proches ne savent guère quand elle les surprendra par l'enfantement, la nuit ou le jour. Regardez les exemples, subhanallah. Donc ici, il compare, d'accord, cet événement à une femme qui est enceinte. Elle est à terme. Et les gens ne savent pas quand ils vont être surpris par l'enfantement. Et donc, ils peuvent être surpris à n'importe quel instant, de nuit, comme de jour. Clair? Et là, bi'idnillah azza wa jal, on commence dans les grands signes de la fin des temps. Et on commence bi'idnillah azza wa jal avec la venue de Al-Mahdi. D'accord? Et ici, Al-Mahdi, concernant la traduction littérale, c'est bien sûr le bien guidé. Et ce n'est pas son nom. Il ne s'appellera pas Mahdi. Mais c'est Al-Mahdi. Il y a des gens même qui disent, ah, je vais appeler mon fils ici Mahdi, peut-être, Inch'Allah, ça sera lui le Mahdi. Il y a des gens qui l'ont fait. Et il y a des gens qui pensent cela, malheureusement. Et ça, c'est encore dû à l'ignorance. Clair? Donc ici, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui choisit qui il veut, et c'est lui qui décide de donner ici, des dons et des bienfaits et des grâces à qui il veut. Donc ici, ça ne sert à rien de se dire, je vais appeler mon fils Mahdi, et ça sera le Mahdi. D'accord? On rentrait dans une certaine parano en disant, ça y est, on a vu une personne, il était pieuse et il était très fort et les gens le suivent, c'est sûrement lui le Mahdi, etc., etc. Non. On va voir les détails on va voir les preuves dans les détails, inshallah ta'ala, concernant le Mahdi, où il va venir, où il va apparaître, est-ce que les hadiths sont authentiques ou pas, et après on va parler de le Masih ad-Dajjal aussi, est-ce que le Masih ad-Dajjal aujourd'hui il existe déjà, ou est-ce qu'il n'existe pas? Et on va voir tout ça dans les détails, inshallah ta'ala. Je ne veux pas commencer parce que le problème, si on commence, on va s'interrompre, et je veux faire au moins, d'accord, un grand signe par cours. Et si on peut faire deux grands signes par cours, je le ferai. Sinon, au moins un grand signe par cours. Je ne vais pas faire la moitié après arrêter. Donc là, on est dans les derniers grands signes de la fin des temps. Bihaoulilahi azza wa jal. On continuera la semaine prochaine, inshallah ta'ala, billahi tawfir. Et rendez-vous demain, ici. Ah non, pas demain. Demain, la semaine dernière, j'avais dit demain, le dimanche, c'est entre nous pour le Coran. Donc rendez-vous lundi, inshallah ta'ala, pour le cours de... C'est le cours de quoi, lundi? Le cours de fiqh, بإذن الله عز وجل, entre le Maghreb et l'Isha. بارك الله فينا وفيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.